cœur de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamazo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous dans les studios de RGM. Aujourd'hui je reçois Stéphanie, bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Eh bien, je m'appelle Stéphanie Lemes, j'ai 45 ans, j'habite à Remiremont, je vis en couple et j'ai pas d'enfant, et je travaille au marché couvert à Remiremont où je tiens une entreprise de charcuterie et fromage. Vous avez une petite particularité parce que vous venez pas des Vosges, vous venez du Franche-Comté. Du Doubs. Franche-Comté, c'est oui. Ça? Oui, je suis née là-bas en fait. Alors justement, on va parler de votre enseigne, c'est quoi le Doubs Vosgien? Ben, c'est une entreprise où j'achète et je revends des produits franc-comtois principal. Après, j'ai plusieurs fournisseurs et du coup, je vends des produits, tout ce qui est charcuterie fumée et du Doubs et du Houdou. Un petit peu de fromage, pareil, du Doubs et du Houdou. Depuis peu, des fromages de Chambéry. Et puis, j'ai repris depuis le mois de juin la charcuterie italienne qui tenait mon collègue avant au marché. Et c'est quoi la fromagerie ou la de Chambéry? En fait, depuis Noël, j'ai un nouveau fournisseur et du coup, j'ai mis tout ce qui est Mondor, raclette, la tome de chèvre, la tome de Savoie, la meule de Chambéry, donc un mélange de Comté et de Beaufort, 12 mois d'affinage avec la grain de sel des Alpes. Et du coup, j'ai mis ça pour Noël et ça a bien marché, donc ça a plu à mes clients, donc j'ai continué à en mettre. Et pourquoi ce nom d'enseigne, le Doubs Vosgien? Ben en fait, comme je viens du Doubs et j'habite dans les Vosges, ben je cherchais un nom qui représente ma région déjà où je suis née. Et du coup aussi ici pour mélanger les deux. Et du coup, c'est une ancienne collègue où je travaillais avant qui a trouvé le nom Doubs Vosgien. Et on a trouvé que c'était sympa. Du coup, comme je vends un petit peu de produits aussi des Vosges. Donc, depuis peu aussi, je vends des produits d'ici, donc tout ce qui est fuseau lorrain, le gandoyo, et puis du coup, j'ai trouvé que le mélange Doubs Vosgien était sympa pour représenter ma région où je suis née. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer votre propre enseigne? Bon, en fait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de me lancer toute seule, de plus travailler trop en équipe, d'être seule sur mon poste. D'être moi-même ma propre patronne. Et du coup, les produits-là, bah, je les connais quand même depuis longtemps, puisque quand j'habitais déjà en Franche-Comté, j'en ramenais beaucoup. Et j'en achetais là-bas et j'en ramenais pour ici à des voisins, à des collègues, à des amis. Et puis, j'ai eu de plus en plus de demandes. Et en fait, avec mon compagnon, on a trouvé que c'était peut-être bien le moment de me lancer, de vendre vraiment pour me démarquer, faire connaître un fumier différent d'ici aussi. Et puis voilà, j'aime bien aussi, j'aimais bien le commerce, j'en ai déjà fait auparavant. Et du coup, j'avais envie d'avoir un petit magasin, entre guillemets, pour vendre ces produits et les faire connaître ici. Et comment est-ce que vous avez créé votre enseigne? Donc en fait, j'ai fait une petite formation à Épinal, donc la formation qui est obligatoire, 5 jours pour entreprendre. J'ai demandé des conseils à certains fournisseurs que je connaissais, mon compagnon qui m'a beaucoup aidée aussi, et puis je me suis lancée et du coup je suis allée faire une formation donc à Épinal, à la CCI. Et puis après j'ai mis tout en place, au début j'avais un site internet où les gens venaient à la maison, ils récupéraient leurs paquets, et puis voilà. Mais après, les gens me disaient, c'est bien de te voir, ou de voir tes produits, ou venir à la maison, c'est pas trop évident. Et puis, j'avais un petit peu des demandes la semaine, etc. Donc, puis les week-ends. Et comme je travaillais avant de couper, je pouvais pas tout cumuler, c'était un peu compliqué. Donc au début, comme on m'a proposé la place au marché couvert, je cumulais mon ancien travail avec les samedis au marché couvert. Finalement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes et du coup, je me suis mis en dispo avec mon travail et du coup, j'ai créé mon entreprise et je me suis mis au marché couvert. Et ça doit demander pas mal d'énergie tout ça. Oui, ça prend du temps, il y a plein de choses parce que quand je suis pour marché couvert, il faut préparer les commandes, il faut voir avec les fournisseurs, passer les emails, quelquefois aller chercher la marchandise si eux ils peuvent pas me livrer parce que j'ai un service de livraison qui vient du Doubs. Mais quand il n'est pas disponible, c'est moi qui vais récupérer la marchandise. Puis après, faire tout ce qu'il y a à faire en papier, les factures, etc. quoi. Donc, ça prend du temps. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Je travaille seule, pour l'instant, ouais. Vous envisagez de prendre du personnel par la suite ? Bah, si je peux, si ça se développe bien et que par la suite, oui, peut-être quelqu'un avec moi, surtout les samedis, parce que les samedis, j'ai vraiment du monde et des fois, c'est pas évident de faire tout toute seule. Sinon, pour l'instant, bah, mon compagnon, il vient m'aider les samedis soir pour tout ce qui est nettoyage, la remballe, faire, voilà. Mais sinon, pour l'instant, non, je reste toute seule pour l'instant, mais de temps en temps, j'ai des copines qui sont sympas puis qui viennent me donner un petit coup de main quand vraiment j'ai des grosses commandes, mais sinon, pour l'instant, je gère toute seule. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession ? Bah, du coup, je suis gérante donc, du Douvogien, donc je suis auto-entrepreneuse. Et du coup, voilà, j'achète et je revends les produits que je choisis et avec les fournisseurs et avec le goût des clients aussi, parce que j'écoute aussi leurs attentes, ce qu'ils voudraient, ce qu'ils aiment. Je commence à avoir un petit peu l'habitude, donc voilà. Et puis, pour l'instant, je ne fabrique rien. Mais j'achète et je revends. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers ce domaine en particulier ? Bah, j'aime bien manger déjà à la base. J'aime bien les bons produits. Et puis, bah, comme je vous disais, j'avais des demandes de plus en plus. On me disait, si tu reviens de là-bas, ramène-nous un peu des produits. Et puis, j'ai vu que ça commençait à prendre des ampleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer ma petite entreprise. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Il y a beaucoup de choses, il y a le contact avec les clients, j'aime bien parler, j'aime bien conseiller, choisir les produits, faire plaisir aux gens, et puis voilà, proposer des produits qu'ils connaissent pas forcément, et puis cette relation avec le contact quoi, avec les clients, et puis aussi la bonne ambiance qu'il y a au marché avec mes autres collègues. On n'est pas beaucoup, mais on s'entend bien, on se rend service, et puis plein de choses, ouais, être seul pour créer des choses, enfin voilà, c'est moi qui gère tout quoi, donc c'est ça aussi d'être un peu, c'était le challenge un peu de passer de salarié depuis toujours à patronne, c'était un peu aussi voir si plus travailler en équipe parce que j'avais vraiment envie d'être seule sur mon poste et puis de gérer moi-même les choses quoi, donc trouver les produits et puis voilà. C'est un vrai tournant à 180 degrés, ça, oui. Ce revirement de carrière. oui, après c'est un choix. Hein. Mais bon, je regrette pas. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est quoi le profil d'âge de votre clientèle, la tranche d'âge à peu près ? Alors, j'ai quand même une clientèle âgée, entre guillemets. Hein, ça dépend. La semaine, plus des personnes un peu âgées. Le week-end, ça dépend. Ça peut être des touristes quand il y a les vacances. Ça peut être des gens qui viennent de passage. Après, ça peut être des gens un peu plus jeunes. Qui le samedi ont envie de se faire plaisir et de faire un plateau charcuterie fromage ou voilà qui invitent ou qui reçoivent et puis qu'ils n'ont pas forcément d'idée pour faire à manger, mais en général c'est quand même une clientèle un peu âgée. On n'a pas trop de clients très très jeunes quoi, c'est rare. Sauf pour les soirées raclette. Voilà. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où vous avez plus de demandes comme Noël par exemple ? Bah Noël, Pâques aussi. Ça fait 2 années que je travaille très bien à Pâques, Noël, Nouvel An, en été aussi, quand il fait bon et puis que les gens, plus les produits barbecue, etc. Après, ça va dépendre des semaines. Il y a des semaines, ça va être plus calme que d'autres. Il y a la météo aussi qui joue beaucoup. Et puis après, ça dépend les périodes. Mais ouais, tout ce qui est Noël, Nouvel An, enfin les fêtes de fin d'année et Pâques, je travaille bien, quoi. Et quels sont les produits que vous vendez le plus, que ça soit à Noël ou à Pâques ? Alors, que ça soit à Noël ou à Pâques, le boudin blanc truffé, c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup. Et puis après, en temps normal, c'est tout ce qui est la saucisse de Montbéliard, forcément, parce que là, en plus, elle vient d'avoir la médaille de bronze, 3e place au Salon de l'agriculture de Paris. Mmh. Et puis la morteau, saucisse de morteau que je vends beaucoup, puisque c'est mes produits phares, on va dire. Et puis après, un petit peu le fromage, donc le Morbier, le Comté, la Concoyotte, forcément. Et puis après, les gens, je vends beaucoup aussi de tout ce qui est lard fumé, donc le Brésil, donc c'est une spécialité un peu du Haut-Doubs. C'est de la viande des grisons, du bœuf séché. Et puis après, tout ce qui est saucisse de Montbéliard, saucisse de Morteau. Après, les saucisses au Comté. Là, pour Noël et Pâques, j'ai mis des saucisses au vin jaune et Maury. Il y a eu du succès aussi. Puis après, il y a d'autres produits, mais essentiellement les produits-là qui marchent beaucoup, quoi. D'accord. Et dans la concoyote, je crois qu'il y a trois parfums. Nature, ail et le troisième, donc moi, plus. En fait, j'ai nature, ail, vin du Jura. Après, je peux avoir échalote, mais les produits, enfin, ceux que je vends le plus, c'est nature, vin du Jura et ail. D'accord. Vous avez un stand au Hall Le Volontaire à Remiremont. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Donc, j'ai un stand depuis... je vais créer mon entreprise le 4 février 2021. Et donc après, j'ai le temps de faire les papiers, de mettre en place, de chercher les fournisseurs et tout ça, de m'installer. Donc j'avais mon site internet, comme je vous disais. Et depuis le 13 décembre, donc je suis en tout temps au marché couvert. Donc en tout temps, c'est-à-dire le mardi matin, le mercredi matin, le vendredi et samedi, toute la journée. En sachant que des fois, ça peut m'arriver d'avoir des commandes en plus. Comme jeudi dernier, j'ai une commande pour une école. Donc, j'ai travaillé en plus pour préparer la commande et aller livrer, donc, du coup, l'école. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de vos différentes actualités. On vous laisse avec Jean-Félix Thiéphen. On se retrouvera juste après sur Radio Gameuse. Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fos-sur-Mer et les Lorrains, Servan-Schreiber. Les Alsaciennes font des biscuits que l'on trouve aussi à Paris. À ces gens-là, on dit gaga, car ils n'ont pas ce que l'on a. La cancan, cancoyote, le sepin, mais ben franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arouet. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit n'est ni ma fouet. Mon gars, tu prends le méton que tu verses dans le caclon. Avec de l'ail, avec du beurre, avec ton manche, avec ton cœur. Il faut touiller, ça c'est sûr, sinon ça devient de la confiture. La cancoyote, c'est tout un art, et faut rien laisser au hasard. Et la cancan, cancoyote, c'est un mets ben franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arbouet. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ces François. Tout en flottant la charlotte, on la mange avec les doués. Si avec charlotte tu vas plus loin, mais de la cancoyote sur traversin. Je te jure mon pote, ce truc c'est dingue, ça te fout le vertige pour le bastringue. Mais va pas le dire aux étrangers, sinon ils viendraient nous la piquer. Et alors fini la cancoyote, on ne la trouverait que dans les sex shops. Et la cancan, cancoyote, c'est un mets ben franc-comtois. Tout en dansant la gavotte, on se beurre la gueule à l'arouet. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ces François. Tout en flottant la charlotte, on la mange avec les doués. La cancan, cancoyote, ce n'est pas pour ces François. Quand ils viennent avec leurs bottes, on leur dit nenni ma fouet. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Stéphanie. Alors, on a fait une petite découverte hein, via cette chanson qu'on a trouvée au par hasard sur YouTube. Et vous avez dit que ça vous représentait finalement. Bah oui, déjà mon accent. Et puis voilà, ça représente la région d'où je suis née, quoi, la Franche-Comté. Du coup, on va reparler de votre enseigne. C'est quoi des produits du terroir? Bah, en fait, c'est tout ce qui est charcuterie fumée. Voilà, un petit peu tout ce qu'on peut trouver en Franche-Comté et ce qu'on peut déguster voilà, là-bas, quoi. Spécialité vraiment de ma région natale. Est-ce que vous auriez quelques exemples à nous donner de produits franc-comtois et vosgiens, que ce soit au niveau charcuterie, fromagerie? Bah alors après fromage franc-comtois, il y a la cancoyote, la tome du Jura, il y a le comté. Après, tout ce qui est charcuterie franc-comtoise, donc le brésil, comme je vous disais tout à l'heure. Les saucissons, bien sûr, la saucisse de Morteau, la saucisse de Montbéliard, saucisse sèche aussi, saucisse sèche de Montbéliard, saucisse sèche de Morteau. Voilà, tout ce qui est bon. Et le saucisson comté, j'adore ça, c'est excellent pour l'apéritif. Oui. Bon, j'en ai un peu à tout, en fait, c'est pas... J'ai des saucissons secs et j'ai aussi des petits pavés. Donc, ça a la forme d'un petit pavé et c'est aromatisé ou nature. Donc, j'en ai au comté, aux noisettes grillées, au vin du Jura. Donc, voilà, des pavés de gendarme, pavés de canard, beaucoup de choses. Et quel genre de produits est-ce que vous proposez à votre clientèle? Est-ce qu'il y a que du fromage dans le doux vosgien ou que de la charcuterie? Non, il y a de la charcuterie, il y a de la conserverie aussi, donc en bocaux. Donc tout ce qui est choucroute, cassoulet, franc-comtois. Après aussi, je travaille avec un fournisseur, une dame qui habitait ici avant, qui est vosgienne, qui est partie en Franche-Comté, qui a fait le contraire de moi, et du coup qui a repris une conserverie, une biscuiterie avec son mari. Et du coup, qui me vend aussi tout ce qui est les petites tartinades, la sèche au comté, donc c'est des biscuits apéritifs au comté, et puis un petit peu à toutes sortes, donc sucré, salé, des escargots aussi de Franche-Comté, et ça j'en ai toute l'année. Et puis aussi, pour tout ce qui est Vosges, des produits vosgiens, et ben depuis peu, je travaille avec un fournisseur, donc où j'achète mon fuseau lorrain et le gondoyau. Donc c'est un peu spécialité d'ici quand même. Et puis pâté lorrain aussi. Je travaille avec plusieurs fournisseurs différents et donc je mets aussi des pâtés lorrains crus. Comme ça les gens ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, je les mets sous vide et ils peuvent réchauffer à tout moment quand ils veulent les déguster en fait. Voilà. Les escargots de Franche-Comté, est-ce qu'ils sont plus gros ou plus petits que les escargots de Bourgogne ? Bah après ça dépend le calibre, mais je prends toujours les moyens. Et je prends aussi tout ce qu'est, elle me fait aussi des croquis, c'est les biscuits, donc c'est des escargots qui sont dans un espèce de petit biscuit et qu'on peut tout manger, donc c'est sur assiette. Justement, est-ce que vous auriez quelques mots à nous dire sur vos différents fournisseurs, Stéphanie ? Oui, le fournisseur principal c'est donc la maison Barbier, donc le fournisseur de charcuterie est fumé. Donc avec qui je travaille depuis un moment et que je connais depuis très longtemps, puisque quand j'habitais en Franche-Comté, j'allais déjà acheter là-bas et du coup, dès que je suis venue ici et que j'ai eu le projet d'ouvrir cette entreprise, eh bien du coup il m'a suivi, il m'a donné plein de conseils aussi, il était là le premier jour aussi de l'ouverture de mon stand et du coup on continue à travailler ensemble depuis longtemps. La fruitière aussi avec qui je travaille, donc qui est située aussi à côté de la boucherie, donc en Franche-Comté, à la limite du Doubs et du Haut-Doubs, et puis avec qui je travaille depuis un petit moment maintenant aussi. Et puis donc du coup le nouveau fournisseur de fromage de Chambéry que je travaille avec depuis Noël. Puis après c'est greffé le fournisseur du coup où ils fabriquent le fuseau lorrain, etc. Donc c'est une ferme qui est située entre la Haute-Saône et les Vosges. Et puis aussi des fournisseurs d'ici qui me fabriquent aussi tout ce qui est pâté lorrain, etc. Les tourtes. Et puis je fais aussi plusieurs partenariats. Donc je fais un partenariat depuis peu avec le restaurant Le Petit Stéphanois qui me transforme tout puisqu'elle prend aussi un des fournisseurs que j'ai, donc la maison Barbier. Tout ce qui est charcuterie et fumée. Donc, on a trouvé comme un accord. Elle me transforme un peu les choses pour faire des petits plats. Et puis, elle me livre donc les mardis et les samedis. Et je propose aux gens différents plats chaque semaine qu'ils peuvent réserver ou emporter ou ils peuvent manger aussi sur place. Parce qu'au marché, on peut manger aussi sur place. Je fais un partenariat donc avec elle, la responsable du Petit Stéphanois, la patronne du Petit Stéphanois. Et puis, depuis un petit moment, avec la ferme de Crémant-Villers. Donc avec Madame Duc-Céline, qui vient les mardis au marché, les mardis matins, qui vend tout ce qui est yaourt, fromage blanc, le lait cru, les œufs, des caissettes de viande, etc. Et puis le restant de la semaine, c'est moi qui gère. Donc les clients qui ne veulent pas aller à Vanier, donc viennent au marché et c'est moi qui vends ces produits. Voilà, on a signé un petit partenariat ensemble et puis comme ça, elle est quitte de venir tout le temps, parce qu'elle peut pas non plus. Et puis, les gens aiment bien la voir, donc elle vient les mardis matins. Elle est là tout le temps les mardis matins. Elle reste du temps. Ils savent qu'au marché, on peut retrouver aussi tout ce qui est fromage blanc, yaourt nature, les commandes de viande. Ils peuvent retrouver ça sur mon stand. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec tous vos fournisseurs ? Déjà, j'avais besoin de fournisseurs puisque moi je transforme rien et j'ai pas de labo, j'ai rien. Hein. Du coup, il me fallait quand même fallait plusieurs fournisseurs. Et puis du coup, on s'est bien entendu quoi. Donc avec la ferme de Crémant-Villers, ça faisait un moment qu'elle était là déjà avant moi. Hein. Et puis du coup, on s'est bien entendu et on a trouvé un accord pour. Et les gens sont contents de retrouver ces produits au marché et que moi je les vende quoi. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de fromage au lait cru, mais est-ce qu'il y a d'autres types de fromage ? Après, il y a les fromages au lait de vache, il y a les fromages de brebis, fromage de chèvre, donc la tome de chèvre que je mets depuis peu. Et puis, après différents autres produits, quoi. Là, on va rentrer dans les produits été, on va dire, bientôt, entre la mozzarella, la burrata, la ricotta. Donc voilà, j'essaye de changer et de travailler avec les saisons aussi. Comme la, le stand italien avec les pâtes. J'essaye de trouver toujours des saisons, enfin des goûts différents à chaque saison. Et puis aussi par rapport à ce que les gens ils aiment et puis ce qu'ils veulent aussi, quoi. Si je peux dans la limite du possible, ben des fois ils me demandent des produits que j'ai pas forcément sur mon stand, mais si, je peux voir avec le fournisseur si je peux les faire avoir en grosse quantité. C'est vrai que il faut aussi que les gens ils se rendent compte que c'est énormément de boulot de faire des commandes, de passer des commandes, de gérer les stocks, etc., quoi. Donc voilà. Vous proposez des fromages franc-comtois comme le Bormier, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fromage franc-comtois? Bah du coup le Comté, la Concoyotte, l'Emmental, la tome du Jura aussi, que les gens connaissent pas trop mais qu'ils aiment beaucoup. Parce qu'ici on a la tome des Vosges, on a beaucoup de choses, mais tome du Jura, c'est vrai que c'est un succès, les gens ils aiment bien. Après bah la fondue, on peut retrouver la fondue la fondue suisse, donc avec les fromages suisses, ou alors la fondue savoyarde. Donc avec différents fromages de Franche-Comté, quoi. Un mélange de Beaufort, de Comté, plusieurs sortes de Comté. Et puis après, bah, la préparation, voilà, à base de vin blanc, d'ail et c'est parti, quoi. Est-ce que vous proposez des fromages à l'ail des ours? Alors, à part la raclette à l'ail des ours, je mets rien d'autre. Parce qu'en fait, moi, sur mon site internet, j'avais mis un petit peu de vente de fromage. Mais je voulais pas non plus trop en mettre, puisqu'il y a aussi les frères marchands qui sont au marché et qui vendent aussi du fromage. Donc j'en ai mis pour puisque j'en avais déjà mis sur mon site internet, donc les gens avaient l'habitude de retrouver mes fromages, mais j'ai pas une gamme énorme de fromages. J'ai vraiment mes fromages principaux, quoi. D'accord. Et puis les fromages italiens aussi, puisque j'ai repris depuis peu le stand italien, et du coup là on retrouve un peu de fromage italien et voilà. Parmesan, mozzarella. Parmesan, mozzarella, là, qui va arriver, burrata, ricotta, le montazio, le pecorino poivre, le pecorino sarde, tout ce qui est provolone. Mascarpone? Non, j'en mets pas. D'accord. Non, ça reste vraiment classique, mais vraiment les produits principaux que les gens, ils aiment et puis qu'ils prennent souvent, quoi. D'accord. Et quel produit vous conseilleriez à un apéritif entre amis? Après, moi, je propose aux gens, je leur demande toujours s'ils préfèrent les produits italiens ou les produits franc-comtois, et après, je leur propose qu'on peut mixer. On peut faire un plateau des deux. Donc, si eux, ils ont, par rapport à leur goût, ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, moi, je prépare par rapport à ça. Sinon, eh ben, je leur propose moi, et puis ils me disent, faites comme vous voulez, et puis je leur fais un petit plateau, et je leur demande s'ils veulent que charcuterie ou charcuterie et fromage, ou que fromage ou que charcuterie, et puis après, c'est moi qui gère en fonction du budget des gens. Je leur demande s'ils ont un budget. S'ils n'ont pas de budget, je fais en fonction du nombre de personnes. Et puis voilà, après, ça dépend si c'est qu'un apéro dînatoire, si c'est suivi d'un repas, donc je leur demande aussi, et voilà. Quel produit rencontre le plus de succès au sein de votre clientèle? Côté doux, donc comme je vous disais, tout ce qui est saucisse fumée, beaucoup, le lard, les petits pavés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est des petits saucissons, mais qui sont en forme de pavé. Ça marche très bien, les gens les aiment beaucoup. Et puis après, tout ce qui est en italien, tout ce qui est antipasti, les olives, les tomates séchées. Après voilà, je mets en fonction aussi du temps, j'ai mis une épicerie un petit peu fine, on va dire, italienne, donc avec des huiles d'olive, des sauces tomates, des graissins, voilà, un petit peu pour mettre un petit plus, quoi. Et les gens sont contents, ça marche bien. Produits italiens, le parmesan bien sûr, et puis les pâtes fraîches que je reçois tous les mardis, donc du coup par un fournisseur et qui viennent d'Italie, tous les produits viennent d'Italie. Et du coup, les pâtes fraîches, différentes saveurs, ça marche très bien. Il y a quoi comme saveur en pâtes fraîches? Donc en ce moment, il y a artichaut ricotta, là j'avais mis betterave chèvre, les raviolis au bœuf, au fromage, des gnocchis de pommes de terre par 250 grammes en barquette. Après, les gens peuvent mixer, ou alors, ça dépend les goûts. En hiver, plus raviolis à la truffe. Après, en été, ouais, plus artichaut... les gens aiment bien que ça change aussi, pas retrouver toujours les mêmes choses, quoi. Mmh. En fonction du temps, potiron l'hiver, je mets potiron ricotta. Il y a beaucoup de ricotta dans chaque fois qu'il y a les pâtes. Et puis les tagliatelles fraîches, ça marche bien aussi. Ils disent que elles sont très bonnes. Puis après, j'ai des pâtes sèches, donc tout ce qui est spaghettis, penne, où les gens ils peuvent aussi prendre sur où il y a l'épicerie fine, quoi. Et c'est quoi la ricotta? Alors c'est un fromage frais. Et puis un fromage italien frais. Et puis on peut en trouver en grosse quantité ou en petits pots, comme moi je propose. Donc c'est des pots de 250 grammes. Et puis comme ça, les gens ils peuvent faire du sucré ou du salé. On peut faire aussi des desserts avec, ou mettre dans du salé comme les pâtes ou un plat qu'on confectionne et puis on peut mettre dedans. Mmh. Je sais qu'il existe plusieurs formes de comté. Il y en a qui sont un peu plus sucrés, un peu plus forts, etc. Alors après, ça dépend le goût des gens. Je peux avoir du comté doux au comté le plus vieux. Donc le plus vieux, pour l'instant, c'est jusqu'au 24 mois. Mais je peux avoir, je peux trouver aussi, si les gens veulent vraiment du 36 mois ou plus, je peux trouver, mais c'est vraiment rare qu'on me demande ça. On me demande plutôt du comté fruité. Du comté fruité, donc à partir du 12 mois. Après, j'ai du 18 mois qui est entre les deux. Puis après, ça dépend si on aime un petit peu retrouver les grains de sel, un petit peu. Donc, ça partira sur du 24 mois. Après, là, j'ai eu du succès avec la meule de Chambéry. Donc, le mélange de comté de Beaufort, 12 mois d'affinage avec les grains de sel des Alpes. Ça fait vraiment un gros succès. Et après, bah voilà. Moi, je suis plus comté fruité. Après, j'ai des amis qui aiment, ou des gens qui aiment plus le plus fort, on va dire. Mais après, ça dépend le goût des gens. Mais je peux avoir du 6 mois au, pour l'instant, 24 mois. Et l'affinage, c'est que le temps qu'on laisse dans les chambres froides. Je ne sais pas si c'est des chambres froides. Après, moi, j'ai deux chambres froides au marché. Donc, j'ai une chambre froide pour le côté doux et une chambre froide pour le côté italien. Après, j'ai une vitrine qui est réfrigérée. Mais après, je conseille aux gens, quand ils dégustent leur fromage, de le sortir un petit peu avant pour que ça soit température ambiante, quoi. Parce qu'après, le goût n'est plus pareil, quoi. S'il est trop frais, c'est pas pareil, quoi. Et quel genre de dégustation vous proposez à votre client? Alors, souvent, je mets des petites planches au-dessus de mon stand avec des petits morceaux. Par exemple, hier, j'ai reçu le jambon à l'os, donc la belle rouge. Et ben, j'ai mis une tranche que j'ai coupée en petits bouts pour faire goûter avec des petits cure-dents. Le samedi, souvent, je mets des petites planches au-dessus de mon stand avec des morceaux de fromage. Ou ça dépend. Si j'ai une nouveauté, et ben, dans la semaine que j'ai reçu une nouveauté, eh ben je vais la mettre sur une petite planche pour faire déguster. Donc quand les gens y passent, eh ben ils me demandent, ils goûtent et puis je leur explique le produit. Sinon, eh ben il y a des personnes qui viennent manger au marché de temps en temps. Donc bah c'est pareil, on peut mixer, on peut faire des planches de charcuterie fromage et à ma collègue aussi du poisson qui peut faire des plateaux d'huîtres. Et on peut servir aussi voilà, ça au marché, on a un petit coin où les gens peuvent déguster. Souvent, les touristes, ils aiment bien, ils font visiter ici et après, ils se mangent une petite planche avant de repartir. Sinon, on peut aussi chauffer les plats puisqu'on a un micro-ondes et un four. Donc, quand j'ai des petits plats, eh ben, les gens, des fois, ils veulent manger chaud. Donc, on peut aussi leur servir chaud, quoi. Et c'est quoi les nouveautés du moment? Bah là, cette semaine, donc j'ai remis le jambon à l'os, donc parce que j'ai fait une animation au mois de mars avec mon fournisseur, donc la Maison Barbier. J'ai eu un bon succès, un bon retour, où on a fait donc devant les gens des coupages du jambon à l'os et on a cuit des saucisses de Montbéliard. Et les gens pouvaient manger sur place ou prendre pour chez eux avec des beignets râpés et du chic. Mmh. Et du coup, les gens ont bien apprécié. Donc, on a décidé avec mon fournisseur de refaire ça avec chaque saison. En fait, on essaiera de faire une petite animation. Et du coup, le jambon à l'os, j'en ai remis cette semaine, puisque les gens, ils ont vraiment aimé beaucoup le goût du jambon. Ils ont trouvé qu'il était vraiment très bon. Donc du coup, j'ai remis ça cette semaine. Et après, là, je vais rentrer la semaine prochaine donc dans les produits barbecue, on va dire. Et après, on peut aussi avoir retrouver tout ce qui est mozzarella, burrata, on va commencer ricotta, parce qu'on espère avoir un peu le soleil quand même. D'accord. Et du coup, pour la choucroute, je sais qu'il y a de la saucisse à cuire, mais c'est quoi? C'est de la saucisse de Montbéliard ou de la saucisse de Morteau? Alors, ça dépend le goût des gens, c'est pareil. Moi, je conseille... Donc moi, j'ai de la choucroute qui est déjà cuite au marché, que je vends en sachet de 500 grammes ou d'un kilo, qui a eu, pareil, un énorme succès. Parce que l'année dernière, je vendais ça dans des seaux et les gens ne voyaient pas le produit. Et depuis que c'est en sachet, les gens, ils en achètent tout le temps. Donc ils en achètent pour faire une choucroute ou comme ça manger à la place d'un légume avec une viande ou comme ça. Et du coup, elle est cuite au Riesling à la graisse d'oie. Donc c'est un fournisseur, donc mon fournisseur de la maison Barbier qui me fournit ça. Du coup, elle est pas crue, elle est déjà cuite. Et du coup, je conseille aux gens de l'échine fumée, de la palette fumée, la saucisse de Montbéliard ou de Morteau, ça dépend le goût des gens. Des knacks, bien sûr, parce que les knacks, pareil, j'ai un succès. J'en vends énormément par semaine. On dit qu'elles sont excellentes. Et du coup, c'est tout fabriqué artisanalement. Hein. Vraiment, ils transforment tout à la boucherie. Il y a rien qui est fait à acheter comme ça, quoi. Donc, du coup, dans la choucroute, voilà, les gens prennent beaucoup les knacks, l'échine fumée, la palette fumée. La saucisse et puis bientôt peut-être, enfin là c'est la saison est finie, mais quand ça reprendra, je proposerai aussi des colis choucroute toutes déjà prêtes, donc il y aura juste à la chauffer, quoi, à la cuire et à la chauffer. C'est quoi qui est le plus salé entre la saucisse de Morteau et la saucisse de Montbéliard? Alors c'est pas, en fait les produits sont pas très salés, c'est pas un produit salé que je vends, c'est les produits qui sont fumés, et c'est un fumé différent de ce qu'on trouve ici. C'est pour ça que des fois, les gens, ils me font la remarque, ah, c'est un petit peu plus salé. Non, c'est pas trop salé, c'est ce fumé. Et c'est un fumé qui est différent, donc c'est, il faut que les gens, ils connaissent aussi, donc ils connaissent pas. Puis après, une fois qu'ils ont goûté, ils aiment bien, mais, les deux sont fumés, mais c'est le poids qui, en fait, la saucisse de Montbéliard, elle fait à peu près 200 grammes, environ. Et la saucisse de Morteau fait 400 et quelques grammes. Et il y a la saucisse au chou aussi, d'octobre à avril, que je vends, qui fait 600 et quelques grammes aussi. Par contre, on la cuit 1h30. Mais c'est très bon aussi avec des carottes ou à manger. Et les gens, ils aiment bien parce qu'ici, il y a que moi qui, pour l'instant, qui en fait. Donc, qui en vend. Et du coup, j'ai eu du succès aussi avec la saucisse au chou. La saucisse au chou, vous savez comment ça se fait? Ça doit pas être facile. C'est du chou dans du saucisson? En fait, c'est une grosse saucisse. Donc, c'est une base de Morteau avec du chou à l'intérieur. Et on cuit ça 1h30. D'accord. Et les gens, ils aiment bien. En hiver, ça tient pas au ventre. Avec, voilà, des pommes de terre, des carottes, enfin... Ce que les gens, ils aiment manger avec, quoi. En hiver, nous n'échappons pas à un bon dîner en famille ou entre amis au bord d'une bonne raclette de fromage. Comment est-ce qu'on peut choisir le bon fromage et la charcuterie qui va avec? Après, c'est le goût des gens. Ça dépend ce qu'on aime. Il y en a qui restent sur la nature, classique. Il y en a qui aiment bien un peu parfumé. Donc, ils vont plus prendre à l'ail des ours. Le vin du Jura, parce qu'ils connaissent pas. C'est un peu aromatisé, donc ça change. Après, voilà, ça dépend le goût des gens. Ça dépend ce qu'on va accompagner aussi. Parce que moi, je leur conseille aussi pour la charcuterie. Mais après, il y en a qui ont déjà leurs idées, donc ils prennent ce qu'ils ont décidé de manger avec la raclette. Mais moi, des fois, je peux les conseiller. Donc, ils me disent, oh bah oui, c'est sympa. Donc, s'ils ont pris de la raclette nature, partir plus sur une charcuterie un peu plus fumée, un peu plus de goût. Puis après, si c'est de la raclette aromatisée, rester dans le classique. Tout ce qui est saucisson rouge, saucisson à l'ail, des rosettes nature. Après, ça dépend. Ça dépend ce que les gens, ils aiment manger avec. Certaines personnes disent qu'une raclette sans chorizo, c'est pas une raclette. Moi, je leur réponds, mais pourquoi mettre du chorizo dans une raclette? Du coup, qui a raison? Après, voilà, là, le chorizo, il y en a qui aiment. Donc moi, je vends du salami piquante, donc côté italien, où il est vraiment piquante. Où les gens, ils aiment bien ce goût un peu, voilà, épicé. Et sinon, moi, j'ai de la rosette chorizo. Les gens, ils adorent aussi. Après, ça dépend le goût. Après, pour une raclette, on peut tout mettre. Hein. Comme je vous dis, on peut mettre des choses classiques comme le bacon. On reste dans le saucisson rouge. S'il y a des enfants, ils aiment bien un petit peu quand même. Les parents aiment bien rester classiques. Mais après, ça dépend ce qu'on aime. On peut mixer entre l'italien, le doux vosgien. Enfin, voilà, un peu de tout. Ça dépend. Mais ouais, pourquoi du chorizo? Pourquoi pas? Et le Morbier pour la raclette, c'est un fromage assez fort, non? Bah le Morbier, on peut le cuisiner de différentes façons. On peut le manger comme ça, donc en fromage. On peut le manger en morbiflette, donc à la place de mettre comme ici du master ou des fromages à tartiflette, et ben on met du Morbier et ça s'appelle une morbiflette. C'est un peu la spécialité de chez nous aussi. C'est bien bourratif, ça tient bien au ventre, mais c'est très bon. Après, le Morbier, on peut en avoir du doux, on peut en avoir du fruité. Après, c'est pareil, ça a histoire de goût, l'histoire du palais, ce que les gens ils aiment, ce qu'ils recherchent. Et après, on peut le mettre en raclette, justement, à la place de mettre une raclette parfumée ou aromatisée, on peut mettre du Morbier. Les gens me demandent aussi de mettre du Morbier avec le reste de leur raclette, quoi. Enfin, on peut faire plein de choses. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quel fromage pour faire de la raclette ou pas? Après, le mieux, c'est quand même le fromage artisanal, enfin vraiment fabriqué dans les fruitières, qu'on retrouve beaucoup dans le Houdou, dans le Doubs. Même ici, hein, on en a des bonnes hein, de raclette, hein, dans des fermes et tout, ils proposent pas mal de choses. Mais moi, qui est quand même sensible, qui a des problèmes d'intestin, on va dire, je peux pas manger tout ce que je veux. Et ben moi, je pense que depuis que je mange la raclette artisanale, je sens la différence, quoi. Vraiment, elle est pas grasse et puis elle est, on digère mieux, quoi. Est-ce qu'on peut faire la raclette avec du comté? Je sais qu'on peut faire de la fondue, mais je sais pas si la fondue, la raclette avec le comté, mais raclette, non. Ça risque d'être bizarre. Après, on peut essayer, hein. Mais non, personnellement, ouais, c'est plus la fondue quand même qu'on retrouve dans le comté qu'on retrouve dans la fondue. Je crois que le comté, c'est un fromage assez dur, donc je crois que les fromages à raclette, c'est coupé en tranches fines, donc oui. Ça doit pas être facile quand même. Oui, voilà, ouais. Mais après, bon, pourquoi pas, hein, on peut tester. Le fromage phare des Vosges est le Münster, et celui du Doubs, c'est quoi? Bah, je dirais la concoyotte quand même, parce que là-bas, on en mange beaucoup, quoi. Et puis, on en mange au petit déjeuner, on en mange pas tout le temps, enfin. Et puis aussi, bah, le comté quand même, hein, qui est quand même bien, bien réputé. Voilà. Comme ici, ouais, le Münster, la tombe des Vosges, bah, là-bas, c'est vraiment le comté, la concoyotte, le morbier, voilà, les choses comme ça, quoi. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre stand de produits italiens que vous avez depuis peu de temps? Donc j'ai repris le stand italien depuis le mois de juin, et du coup parce que les gens ils avaient l'habitude de que je sois à côté de mon collègue, donc on, des fois on se donne un coup de main les deux, et puis du coup voilà, il m'a proposé quand il partait si je voulais reprendre son stand, et puis j'ai dit oui pourquoi pas, ça diversifie un petit peu, et puis les gens ils avaient l'habitude de nous avoir nous deux, et puis j'ai commencé un petit peu à connaître les produits parce qu'il m'a un peu expliqué hein, parce que moi je connaissais pas du tout. Enfin, mes grands-parents sont quand même italiens, et puis je connais un petit peu. Ma grand-mère faisait beaucoup de choses en spécialité italienne, mais lui c'était vraiment son domaine quoi. Et du coup, les clients ont joué le jeu, ils sont revenus, et du coup, j'ai appris à faire comme lui, donc en chiffonnade pour faire les plateaux, etc. Et puis j'ai amélioré un petit peu en mettant un petit peu une épicerie fine et puis d'autres produits que les gens ils attendaient, et puis ça marche bien depuis le mois de juin, ça se passe bien, ça me fait un petit plus quoi. Du coup j'ai un grand stand quand même à gérer toute seule, c'est pas toujours facile, mais bon je m'en sors. Les jambons en chiffonnade, c'est vraiment des tranches très fines, très c'est très fines, ouais. Les gens ils aiment beaucoup par rapport à la charcuterie du Doubs. Bon après c'est pareil, ça dépend ce que les gens comme ils aiment que ça soit coupé. Il y en a qui vont dire épais, il y en a qui vont dire plus fin. Ça dépend qu'on aime déguster la charcuterie. Mais la charcuterie italienne, en principe, on mange très très fin, donc en chiffonade, comme on dit, comme on appelle. Les tranches très fines. Et de tous les produits que vous proposez, c'est lequel que vous préférez, vous? Alors après, tout, je vais vous dire, ils sont tous bons. Mais j'ai beaucoup de succès avec le jambon aux herbes, le jambon à la truffe, la mortadelle, bien sûr, qui est le produit fort. Et après, les antipastis, ça marche très bien aussi. Tout ce qui est olive. Olive aux amandes, olive à l'ail, olive mixte, puis après les pâtes. Vraiment, les pâtes ont du succès. On me dit vraiment qu'elles sont très bonnes. Donc voilà, un peu tous les produits sont bons, mais pareil, ça dépend ce que l'on aime. Est-ce que vous proposez aussi des produits d'épicerie comme des yaourts, etc.? Alors, ben, les yaourts par rapport à la ferme de Crémanvillé. Donc c'est elle qui fabrique tous ces yaourts. Et du coup, oui, j'en vends. Donc des yaourts nature, des yaourts aux fruits. Elle vend aussi du fromage blanc. Et puis aussi tout ce qui est viande, donc steak haché, qu'on peut retrouver aussi au marché, puisque j'ai un congélateur, donc les gens ils peuvent aussi récupérer des steaks hachés au marché. Et puis après, elle vend des, par rapport à ce qu'elle a en viande, elle vend aussi des caissettes de viande, quoi, du veau, du bœuf, et des abats de temps en temps. Et puis sinon, du lait cru le mardi, des œufs quand elle en a aussi, puisque ça a fait beaucoup de, il y a eu beaucoup de succès, donc elle en a pas tout le temps non plus, mais... Et du coup, voilà, donc je vends ça le reste de la semaine, et le mardi, c'est elle qui gère, donc avec ses clients, les clients habituels qui viennent, qui ont envie aussi de parler avec elle, de la voir aussi. Donc, et puis les gens qui n'ont pas envie forcément d'aller à Vanier pour retrouver les produits, et qui ont trouvé que c'était une bonne idée qu'il y en ait au marché couvert comme ça, ou les gens qui n'ont pas forcément de voiture ou de moyens pour se déplacer, eh bien ils peuvent retrouver les yaourts de la ferme de Crémanvillé sur mon stand. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Lady Gaga et le très beau Bradley Cooper, en suivi de Soprano. Et on se retrouvera juste après sur le 107. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue. Jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avait réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros, malgré lui, qui vient sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros. Mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Ces mots vous sont adressés. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré lui qui veut sauver une vie. Un mot, un sourire, une histoire. Et l'espoir fleurit à tous ces héros malgré eux. De retour sur les ondes de RGM avec Stéphanie. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radio Line ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Stéphanie, moi j'avais une question, comment vous êtes fait connaître du grand public ? Eh bien, déjà à la base, j'ai créé donc le site internet. Donc il y a quelqu'un qui m'a aidé à créer une page Facebook. Du coup, où je mettais que les gens pouvaient récupérer donc leurs produits chez moi, à mon domicile. Et du coup, après, de fil en aiguille, eh ben, j'ai commencé à avoir des petites cartes que j'ai distribuées. J'en ai parlé un peu à tout le monde, aux collègues, aux voisins, aux amis, à la famille, un peu à tout le monde. Et puis, j'ai fait le tour et puis voilà, je me suis fait connaître comme ça. Mais c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont bien marché. Donc, cette page Facebook pro, où vraiment je mettais un petit peu, je détaillais mes produits, j'avais mis un flyer aussi où on pouvait retrouver les prix et différents produits que je vendais, et puis les heures, enfin les jours, etc. Et puis après, ben vraiment quand depuis que je suis venue au marché où les gens me retrouvent tout le temps, et ben c'est vrai que ils ont entendu parler de moi par différentes personnes, et puis voilà, au marché ils retrouvent mes petites cartes avec les horaires du marché derrière. Avec mon email, mon numéro de téléphone, et puis où les gens ils peuvent m'appeler à tout moment ou m'envoyer un email pour une commande ou voilà. Et puis du coup principalement avec Facebook. Après vraiment de bouche à oreille où les gens ils ont commencé à entendre parler de moi, ils ont joué le jeu à en parler à tout le monde autour d'eux et ils sont venus voir le stand d'Ouvogien au marché. Et comment est-ce que vous êtes établi un réseau de contacts? Bah, au départ, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai quand même demandé un petit peu, j'ai pas fait d'études de marché, mais j'ai fait mon étude de marché à moi, en fait, j'ai demandé un peu à des gens proches ou à des gens de confiance et tout, ce qu'ils pensaient de mon idée de créer une entreprise. Et tout le monde m'a dit, fonce parce que t'es fait pour ça, t'as la tchat, t'aimes bien voir les gens, t'aimes bien rendre service, tes produits tu les connais, t'aimes bien faire ce que tu, t'aimes bien ça, et puis du coup, bah, lance-toi. Puis c'est vrai que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, mais bah comme tout le monde, on a un peu peur de franchir le pas. Et je me suis dit, bah à mon âge, si je le fais pas maintenant, je ferai jamais. Et puis avec mon compagnon qui m'a beaucoup aidée aussi, pas mal de monde qui m'ont soutenue, parce qu'il y a eu des jours où c'était pas toujours facile, j'avais envie d'arrêter, où j'avais peur de me lancer. Et puis du coup, en fait, ben J'ai fait une petite enquête et tout le monde m'a répondu positivement en me disant que vraiment il faut le faire, on n'a qu'une vie et il faut des fois faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, je me suis dit, bah, si des autres personnes l'ont fait, pourquoi pas moi? Donc voilà, je me suis lancée. Il faut toujours écouter sa petite voix intérieure, même si les autres vous disent non, tu n'y arriveras pas, etc. Personne ne peut décider pour vous. Voilà. Moi, je me suis dit, même si ça marche pas, même si j'arrête, même si c'est pas vraiment, ben tant pis, j'aurais tenté l'aventure. Et je regrette pas parce que franchement, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai connu des différentes personnes, j'ai eu beaucoup de soutien et puis je m'épanouis dans ce que je fais. Tout le monde me dit que ça me va super bien et puis pourvu que ça dure quoi. Vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme voilà. Dit le dicton. C'est quoi l'actualité du Doux-Vosgien, Stéphanie? Eh ben l'actualité, on peut me retrouver donc au marché couvert, hein, donc les mardis matin de 8h à 12h30, les mercredis de 8h à 12h30, les vendredis et samedis de 8h à 18h. Et après, comme je vous dis, hein, moi je, y a pas de souci, même en dehors du marché, on peut m'appeler ou me commander des choses et si c'est possible, dans la mesure du possible, ben je peux préparer ça et y a pas de souci, je suis disponible. Et du coup donc sur Facebook, donc Doux-Vosgien, on tape Doux-Vosgien, on me retrouve avec mes publications, mes photos, avec les horaires, un peu le plan du marché, etc. Et puis aussi donc avec mes cartes de visite que je distribue un peu partout. Et puis la liste de mes produits, si on veut aussi, on peut avoir. Donc j'ai fait une page avec la liste de mes produits italiens, la liste de mes produits Doux-Vosgien et voilà les nouveautés qui vont arriver que je vais aussi mettre en plus. Et puis voilà, on peut me retrouver par mail, par téléphone, sur place, enfin partout. Et est-ce que vous avez des futurs projets avec votre enseigne, comme par exemple ouvrir une boutique, etc.? Alors ouvrir une boutique, pas tout de suite, je pense pas, et je ne sais même pas si je vais en ouvrir une, parce que ben je vous cache pas que avoir une boutique c'est quand même un coût. Et là au marché couvert j'ai tout, j'ai les vitrines, j'ai ma vitrine, j'ai mes deux chambres froides, j'habite pas loin, j'ai tout sur place on va dire, mon matériel etc. Pour l'instant c'est pas non dans c'est pas le projet d'ouvrir une boutique, mais j'aimerais bien me développer plus, donc avoir des autres clients. Parce que j'ai ma clientèle qui me suit depuis le début, mais je voudrais avoir des autres personnes qui viennent, qui ont envie de découvrir aussi le marché couvert, les différents stands. Et puis aussi, j'aimerais bien aller à la rencontre des tout ce qui est EHPAD, donc les écoles, les crèches, etc., pour développer aussi que les gens, ils apprennent, enfin les enfants, etc., qui ont envie de goûter des choses un peu de produits locaux, revenir aux produits locaux et aussi dire que c'est pas forcément plus cher que voilà que, et du coup j'aimerais bien développer ça, vraiment aller les voir et puis leur proposer bah quand eux ils font des animations ou des thèmes à chaque thème différent ou pour des associations de parents d'élèves etc. comme l'autre fois j'ai eu une demande donc dans deux écoles différentes, donc plateau de charcuterie pour les parents d'élèves et puis l'autre commande pour une tombola où ils avaient organisé ça à l'école et le lot était deux morceaux de fromage différents, donc j'ai préparé et que je leur ai livré donc la semaine dernière. Et du coup, voilà, j'aimerais bien développer ça. Et puis peut-être, pourquoi pas, faire des plus d'animations aussi au marché couvert. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ça a bien marché, celle du 11 mars. Donc pourquoi pas refaire une animation à chaque thème pour que les gens, ils aient envie vraiment de venir découvrir ça et puis leur faire goûter les produits qu'ils connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas, et puis amener du monde. Parce que, voilà... J'aime voir les gens, j'aime le contact et je veux qu'on découvre encore mes produits pour ceux qui connaissent pas du tout les produits Doux-Vosgien, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à votre enseigne, Stéphanie? Bah, plein de réussite, hein, que ça dure, que l'aventure dure encore longtemps et puis que je me développe et puis que voilà. Et ouais, que ça dure le plus longtemps possible. Cette émission est maintenant terminée. Stéphanie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Oui, pas de souci. Merci beaucoup de votre accueil. Vous êtes très sympathique. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. C'était Laura. Bye tout le monde.